rabour. Baza koluka mabulu ya kotimola pote batria nyoso batimi bango pote lipata nzambe sipisa ye. Je suis comme une bosse, comme ma copine.